cherchant son pécule sous le sable, trouvant dans le ciel de belles fables, à l'encontre de ceux qui se touchent, porte les mains à sa bouche. Que brûle le froid de l'espace, sois sûr que tout est à sa place. Demain la roulante est facile,